Je te dis à l'époque ici, Madame Bia ne reconnaît pas le Séléka et il a, durant toute la durée de monsieur de ton au pouvoir, il a dit tu ne. Il n'y a pas papier. Quand tu seras pas oui. Il y a eu un sommet sur le golfe de Guinée. Mmh. On a tout fait, il a ce monsieur, je ne reconnais pas, il n'était pas au Cameroun. Mmh. Et Bozizé a été hébergé ici pour un temps. Vous comprenez donc. Il faut rappeler ses frères. Ça coûtait, c'est à partir de là que le maréchal fait président Déby, que nous adorons, que nous avons tant. Bertrand, que c'est notre papa. Mais je rappelle ça à titre pédagogique, hein, de fait. C'est à partir de ce moment que le président Déby entame sa reconversion géopolitique. Il ne devient pas panafricaniste. Et il décide qu'on ne le reprendra pas. Ça va finir par sa mort. D'accord. Merci. Pour ce Jean-Paul Mbele, qu'on a donc compris hein, tous les scénarios qui sont justement mis en place depuis le Soudan, le Tchad, avec notamment une seule et unique cible, désormais la République centrafricaine. Les enjeux sont énormes. Si le développement économique est bien entendu enclenché, on parle de près de 35 000 Africains qui pourraient trouver véritablement de quoi faire du côté de la République centrafricaine. Il faut donc absolument, visiblement, détruire cette dynamique qui est en place. Mais la question que je voudrais, sur laquelle je voudrais particulièrement... 35 millions d'Africains. Voilà, merci. 35 millions d'Africains. Alors, pourquoi, puisqu'on a eu d'ailleurs cette précision sur l'individu Hamib Ali Iréka, quel est l'intérêt de l'Égypte, en tout cas, d'encadrer une telle rébellion? Tu te souviens tout à l'heure, quand j'ai parlé de Cléopâtre, comme c'est toi qui gère le plateau, tu as pensé que j'étais à côté de la plaque et que j'en disais trop sur la culture générale. Tu te trompais, mon cher. Non, c'est vrai, tu sais, les questions se posent à un niveau. Tu les abordes à un niveau en dessous, beaucoup de choses t'échappent. Il y a un niveau où tu traites, c'est comme traiter les symptômes et tu ne vas jamais à la cause. L'Égypte d'aujourd'hui, quand nous on dit Égypte, eux ils disent Masr, ça c'est de l'arabe. Israël, pour ceux qui lisent la Bible. Pour nous c'est Kémit, Kémet, Kamit. Chacun y met sa voyelle. Ça ne sonne pas pareil. Parce que quand on dit Kémit, Kamit, tout ça, c'est le noir qui est mis en avant. Est-ce que cette Égypte-là s'invite là-dedans? Tu sais, tu as eu tort de raccourcir. Je comprends. Parce qu'on a l'impression que bon, le monsieur est à côté, alors qu'il y a l'actualité. Bon, non. Parce qu'en fait, c'est un raccourci. Si j'avais développé plus, j'en dirais moins maintenant. Tu sais, il faut que tu comprennes bien une chose en ce qui concerne l'Égypte. D'abord, c'est un pays qui est financé militairement par les États-Unis. Quel est l'intérêt? Depuis quand ils financent gratuitement des États comme ça, surtout en Afrique? Même en Amérique latine, est-ce qu'ils font ça? État pivot. Quand ils faisaient ça, c'était quand il y avait une dictature en Amérique latine. Merci. Alors, est-ce qu'ils financent Cuba? Alors, il y a toujours l'embargo là-bas. Cuba, pourquoi ils financent l'Égypte? État pivot, a dit le président Mandatali. L'Égypte a un rôle de sous-traitant à jouer. Ça. Voilà. Pourquoi, justement, l'Égypte s'implique dans le Soudan? Si on regardait ça de façon historique, ça se comprendrait. Il y a eu un moment, hein, à l'époque de Niméré, El Niméré, il y avait une armée soudanaise qui était casernée au sud de l'Égypte et une armée égyptienne qui était casernée au nord du Soudan. Ça veut dire que c'est deux territoires frères. Pourquoi les Occidentaux, quand ils font leur manière d'histoire, insistent sur, ils présentent le Soudan comme le Soudan anglo-égyptien? Que vient faire l'Égypte à coloniser le Soudan quand ça? En quoi le Soudan serait anglo-égyptien? Sachant que c'est l'Égypte qui a été colonisée par l'Angleterre. Comment le colonisateur vient encore te prendre et vous allez coloniser le pays voisin qui est à côté? En plus, c'est un pays frère. Et vous dites Soudan anglo-égyptien. Tout ça, le roi, le dernier des rois là, auquel, dernière fois vous avez parlé de Nasser, de Néguib, auquel Néguib et Nasser vient après, ils ont fait le coup d'état là. Sachez une chose, hein, ce monsieur, on parle de Cléopâtre là, ce monsieur n'avait rien d'africain. C'est un descendant de Mamelouk, c'est-à-dire ses ancêtres, Mehmé Ali, c'est un Albanais. Albanie, c'est en Europe. Et lui, il est blanc, ça se voit, parce que nous, on a son portrait. Mehmé Ali. Quant à sa mère, au roi Farouk, c'est une Française. En quoi il est égyptien, africain? Rien! Donc lorsqu'on parle de l'Égypte, c'est quelque chose, on parle des 13 familles. Ok, là aussi, il ne faut pas en parler. Mais attendez, c'est ça qui éclaire tout. L'Égypte est un pays, comme vient de le dire le président Mandatoni, pivot, état pivot, et ça ne date pas d'aujourd'hui. Alors, donc, il se mêle du Soudan. On arrive à la partition du Soudan. On a voulu faire la même chose en Éthiopie. On a d'abord réussi avec l'Érythrée. On coupe l'Éthiopie de la mer. On coupe le Soudan du pétrole. Le grand Soudan. Alors que nous, on veut l'unité africaine. Nous, on ne veut pas la partition des États. On veut le regroupement des États. Maintenant, l'autre partie du Soudan qui reste, pourquoi ne pas le partager aussi? L'Éthiopie, on a essayé, ça a échoué. Enfin, pour l'instant. De toute façon, ça va échouer. Voilà. Maintenant, on en arrive en Centrafrique. Et même le Tchad. Mais surtout la Centrafrique. C'est le sujet, la Centrafrique, non? Voilà. D'abord, c'est un pays qui est au centre de l'Afrique, comme son nom l'indique, et avec la RDC. Et c'est avec la RDC, les deux pays les plus riches d'Afrique et donc du monde. Et ce sont les pays qui sont classés parmi les pays les plus pauvres du monde, alors que c'est les plus riches. Donc la déstabilisation de ces États-là, en ce qui concerne la Centrafrique, c'est une façon d'empêcher, dans le cas présent de la sous-région, la CEMAC et même la CEAC, de former un bloc solide du point de vue économique, du point de vue géopolitique. C'est une façon de continuer à occuper les gens dans les problèmes de sécurité. Donc, on n'a pas le temps de se poser pour réfléchir à un vrai développement, à une vraie intégration sous-régionale, pour plus tard faire toute l'Afrique. C'est une façon de nous retarder, de nous faire perdre du temps. C'est une façon de faire couler le sang africain. Ils estiment qu'on est trop nombreux. Voilà. Et créer des haines qui font que nous allons être de moins en moins solidaires entre nous. Parce que quand même, quand on se massacre, on peut être très résilient, mais avant que ça prenne effet, on peut se massacrer encore davantage. Parce que vengeance appelle vengeance. Ok ? Ils font tout ça. Alors maintenant, ce IRECA, là, moi j'ai regardé, j'ai pas réussi à trouver quelques documents que ce soit sur celui-ci. Donc en les présentant, madame, il ne faut pas trop faire de publicité sur celui-là. Mais ce qui est sûr, c'est que dans la mesure où on a des chefs d'État éclairés, président Ouadéra, très éclairé, Mahamat, Idriss Déby, soutenu par le président Paul Biya, lui aussi il va s'éclairer, il s'éclaire déjà, non? Il a déjà une bonne lanterne, voilà. Et ben, le Soudan, c'est le désordre pour l'instant, on ne sait pas ce qui va se passer là-bas, mais dans la mesure où quand même il y a des gens éclairés au pouvoir, le président Paul Biya, c'est le premier même éclairé, qu'est-ce qui va se passer? Il faut absolument qu'on commence à préparer des plans militaires. 40 000 soldats, le chiffre paraît impressionnant, mais 40 000 soldats, et si sont 4 000. C'est 4 000 seulement, j'ai pu comprendre que c'est l'IRECA avec 40 000 soldats. 4 000 soldats. Moi j'ai entendu 40 000, j'ai dit, oui, 40 000. Mais même, non, raisonnons même sur 40 000, c'est qui peut le plus, peut le moins. Moi, c'est 40 000 même, je disais que c'est même pas impressionnant, parce que, bon là, ils ne sont que 4 000. Qu'est-ce qui prouve même qu'ils sont si bien entraînés? Bon, ensuite, il faut donc que nous autres, qu'est-ce que nous fassions? On prévoit les 40 000. Ne raisonne pas sur le fait que là, ils sont 4 000. Raisonne sur le fait que l'impérialisme peut mobiliser 40 000 pauvres types à qui on a promis je ne sais pas quoi, et qui sans réfléchir, ils vont se battre sans savoir que c'est au profit du grand ennemi qui est l'Occident, l'OTAN. Alors, il faut donc que nous on prépare des forces qu'on peut mobiliser, qui s'entraînent entre elles, qu'on peut mobiliser à tout moment, au niveau de la CEMAC au moins. Donc le Cameroun, le Tchad. C'est-à-dire que ce qu'on a fait pour la lutte contre Boko Haram, mais de façon permanente, et pas seulement pour Boko Haram, quelle que soit la cible. Voilà, le Cameroun, le Tchad, Centrafrique, il faut que nos armées commencent à s'entraîner. Si bien que si on nous envoie une force armée de 40 000, on puisse riposter. Et il faut sérieusement commencer. En tout cas, Jean Pombelec, je vous présente. Ok, vous ne me connaissez pas, vous me voyez, les autorités là. Vous ne me sollicitez jamais, je suis là, non? Je vous signale, je suis physicien, astrophysicien. Vous n'êtes pas au courant encore? Hein? C'est juste un mot comme ça. Hein? Ok, laissez. Il faut qu'on commence à travailler l'industrie de l'armement. Tout physicien n'en est pas capable. Je vous le dis tout de suite. On a des diplômes, on a des doctorats, tous, mais ils ne se valent pas tous. Il faut la bonne personne au bon endroit. Les Américains, ils ont mis le général Groves pour l'administration et Oppenheimer pour le côté scientifique. Ils ont eu l'arme atomique. Au moins deux bombes ont explosé au Japon. Je ne dis pas que c'était bien, mais ils les ont eu. Les Allemands, ils n'ont pas mis la bonne personne. Ils ont mis Werner Heisenberg, physicien théoricien. Ils n'ont jamais eu la bombe atomique. À bon entendeur, salut. Merci à vos professeurs, Jean-Paul Belek. Alors, Bertrand Tatinda, certes, d'aucuns s'accordent peut-être à minimiser Habib Ali IRECA,